Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous captez. C'est notre moment de vous retrouver dans Mosaïque, une émission qui parle sur tout le domaine de la vie. Aujourd'hui, cette émission se focalise sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et à l'accueil des Congolais qui fuient vers le Burundi voisin. Au cours de la dernière semaine, le Burundi a fait face à un afflux de Congolais fuyant des conflits et des situations de précarité. Cette dynamique soulève des questions cruciales sur l'accueil, la solidarité régionale et les implications sur les relations interétatiques. Cela étant, le Burundi compte déjà 5 camps de réfugiés congolais, à savoir Moussassa en province Ngozi, Gasogwe en province Muyinga, Gwagiriza et Nyanghanda dans la province Ruigi et Kavumu en province Tchankouzo, comptant plus de 86 000 réfugiés, et cela fait suite à l'insécurité à l'est de la RDC. Comment le gouvernement burundais a-t-il réagi à cet afflux des réfugiés congolais? Quelles mesures ont été mises en place pour accueillir ces personnes? Quelles sont les perceptions des populations locales à l'égard des réfugiés congolais? Existe-t-il des sentiments de solidarité ou de rejet? Quels sont les impacts économiques et sociaux de l'afflux des réfugiés sur le Burundi et l'Ouganda? Quelles opportunités cela pourrait engendrer pour les communautés d'accueil? Voilà quelques questions qui vont nous guider dans ce débat d'aujourd'hui qui a vu la participation de l'honorable Léonce Nguindakouman. Léonce Nguindakouman, bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue mes collègues, je salue également nos auditeurs. Nous sommes également avec Olivier Nkurunziza, honorable député de l'EAC et président du parti IPRONA. Bienvenue dans Mosaïque et bonjour. Bonjour, je salue ici nos collègues avec qui nous allons partager le dialogue et l'émission. Je salue aussi les auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. On a aussi l'amabilité d'être avec Jean de Dieu Mutabazi. Il est président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour aussi, monsieur le journaliste. Bonjour à mes amis. Et je précise que je vais aussi parler non seulement comme président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication des génocides, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, mais que je veux aussi parler comme président ad intérim du comité régional pour la prévention et la répression du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de toute forme de discrimination dans la région des Grands Lacs, CIRG. Merci beaucoup d'être venu dans Mosaïque. Nous sommes également avec Viateur Derichima, maître et expert en droits de l'homme des réfugiés. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue aussi les collègues. Remercie aussi à cette invitation, à cette émission. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu à la cabine du son. Je suis avec Eric Ouimana et Alexandre Ngarouenayo. Médard Nyonguru est à la réalisation de ce débat. Évariste Ndikobananga, je suis à l'animation. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Tous les Burundais aujourd'hui sont au courant qu'il y a un afflux vers le Burundi des Congolais qui sont chiffrés aujourd'hui à plus de 30 000 et ils viennent s'ajouter à d'autres réfugiés congolais qui étaient déjà installés dans 5 camps de réfugiés. Ils sont chiffrés à plus de 86 000. Très récemment, le ministre de l'Intérieur a déclaré que le Burundi est prêt à accueillir ses réfugiés congolais et à les assister en collaboration avec le HCR. On l'écoute. Par rapport à l'accueil de ces Congolais, aujourd'hui, nous avons un nombre très important. Depuis le 12 février, on a à peu près 20 000 à Chibitoke ou légèrement supérieur, et à peu près 5 000 dans la province de Mubanza, précisément dans la commune de Gihanga. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes en train d'enregistrer les policiers qui ont fui la République démocratique du Congo, centaines de centaines jusqu'à maintenant. Donc vous comprenez que la situation peut se détériorer davantage comme voilà aujourd'hui. Le gouvernement de la République du Burundi reconnaît le statut de réfugié prima facie à tous les demandeurs d'asile congolais arrivés sur le territoire burundais depuis le début de l'année 2025. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique mettra en place urgentement une commission ad hoc chargée primo, coordonner et superviser les mesures urgentes de sécurité, d'hébergement, d'alimentation, de santé, etc. Secondo, collaborer étroitement avec l'Office national pour la protection des réfugiés et apatrides, on en prend en sigle, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, pour un enregistrement rapide et efficace des réfugiés. Tertiaire, faciliter la gestion et la mise en œuvre de l'assistance humanitaire avec les partenaires nationaux et internationaux. Dans le cadre de la gestion ordonnée de cet afflux, les actions suivantes sont prévues. Premièrement, la relocalisation, c'est-à-dire les nouveaux réfugiés seront progressivement relocalisés vers le site de Mousseni, en province de Rutana, afin de garantir leur sécurité et de fournir un environnement adéquat à leur accueil. Deuxièmement, nouveaux sites. Des nouveaux sites seront alloués au HCR et à ses partenaires pour y développer de nouveaux centres d'accueil destinés aux réfugiés qui continuent d'arriver selon leur nombre. Troisièmement et enfin, la coordination et le partenariat. L'UNRWA, sous la coordination du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique, en partenariat, en collaboration avec l'HCR, assurera la bonne mise en œuvre de ces mesures en veillant particulièrement à la protection des personnes les plus vulnérables. La première question, je la dirige à l'honorable Léon Senghenakoumana. Comment est-ce que vous qualifiez cette déclaration d'accueil des réfugiés burundais par le ministre de l'Intérieur? C'est un acte humanitaire. Et c'est tout à fait normal que le gouvernement du Burundi pense à accueillir des réfugiés parce que le Burundi a eu des mouvements de réfugiés dans la région. Donc, j'ai accueilli favorablement cette déclaration qui consiste à accueillir ces réfugiés congolais qui fuient la guerre en République démocratique du Congo. Et comme nous sommes des voisins et que nous sommes d'ailleurs en train de les appuyer pour faire face à cette crise, à cette guerre, je pense qu'ils ont raison de se réfugier ici, la proximité et le fait que le Burundi est en train d'aider aussi. Donc, que le Burundi se prépare à accueillir des réfugiés, il connaît qu'il y a une guerre qui dévaste la RDC. Il est au courant. En suivant le ministre de l'Intérieur, nous avons compris que le Burundi s'est préparé, qu'il a commencé à les accueillir et qu'il compte aussi continuer à les encadrer jusqu'à ce qu'ils retournent chez eux. Et ce sont des citoyens. Dedans, on a observé des policiers aussi qui fuient avec les armes. Un policier, c'est un citoyen aussi. Mais ce qui, quand même, ce qui ne serait pas normal, c'est que ce réfugié reste armé. Ça ne marcherait pas. Je pense que le gouvernement du Burundi a pris des dispositions pour que ces armes soient retirées de ces policiers qui fuient avec ces armes, soit les conserver ou les remettre. Merci beaucoup. C'est la même question à l'honorable Olivier Nkurunziza. Léon Senghenakoumana a parlé d'un acte humanitaire. Le fait que le Burundi est prêt à assister, à accueillir des milliers de Congolais qui se réfugient ici, comment est-ce que vous interprétez cela? Effectivement, c'est un acte humanitaire, mais en plus, le Burundi devrait respecter les conventions qu'il a signées parce que les conventions d'accueillir les réfugiés sont des conventions qui ont été signées à partir de 1951. Alors le Burundi doit respecter effectivement les traités, les conventions. Mais en plus de cela, vous savez que nous aussi, ici au Burundi, pas mal de la population burundaise ont été des réfugiés qui sont réfugiés vers le Congo, la Tanzanie, dans les pays de la sous-région. Moi, étant un représentant du peuple de l'Afrique de l'Est, ça me touche profondément. Vous savez que qu'il soit congolais, qu'il soit tanzanien ou burundais, ils se réfugient. Ce sont les mêmes populations parce que le slogan, devise de l'Afrique de l'Est est d'être un seul peuple, avoir le même destiné. One people, one destiny. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, la crise touche la population de l'Afrique de l'Est. Ça touche profondément, effectivement, la région. Et pour nous, ce qu'il faut faire, peut-être pour nous, il faut les accueillir, comme le ministre l'a dit, en respectant les normes. Vous savez qu'ici, comme beaucoup arrivent ici à Bujumbura, ou en passant par la région de Cibitoke, le ministre, dans son message, nous avons entendu qu'ils seront déplacés vers Rutana. C'est pour respecter effectivement que les réfugiés soient à plus de 150 km de frontière de leur pays. On demande effectivement qu'il y ait des appuis Nations Unies à partir de HCR parce que le gouvernement du Burundi ne sera pas totalement à la hauteur pour accueillir plus de 35 000 réfugiés, il y en a encore. Ou qui s'ajoute à 86. Qui s'ajoute à 86, vous voyez que c'est très nombreux. Avec la vie chère ici au Burundi, avec effectivement la situation socio-économique que le Burundi connaît aujourd'hui, il faut qu'il y ait un appui pour qu'effectivement la population qui vient du Congo soit sauvée de la crise. Comme on le disait, c'est une crise sécuritaire. Il faut qu'effectivement, ici au Burundi, on prenne des précautions pour que même cette situation ne vienne pas empirer la situation sécuritaire ici au Burundi aussi. Merci beaucoup. Je suis autour de ce plateau avec Jean de Dieu Mutabazi, président de l'Observatoire national et régional pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Il y a un afflux de Congolais vers le Burundi qui fuit la guerre en RDC. Votre observatoire fait quelle analyse? Je voudrais emboîter le pas aux collègues qui ont intervenu avant. Le Burundi, il a signé la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés. Mais également, en plus de cela, le Burundi a aussi une expérience dans l'accueil des réfugiés, mais aussi parmi les autres autorités, il y en a qui ont connu aussi l'exil politique. Alors le réflexe qu'on sent dans l'intervention du ministre de l'Intérieur, c'est un réflexe non seulement légal, compte tenu du droit international humanitaire, mais également un réflexe humanitaire pour venir au secours des gens qui, je dirais, sont de deux catégories, des gens qui ont fui non seulement l'insécurité, c'est-à-dire les femmes, les vieillards, les hommes, qui ont fui l'insécurité, mais également l'autre catégorie, ce sont des policiers qui ont fui avec leurs armes. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas fait haut les mains, ils n'ont pas déposé les armes pour se remettre dans les mains de la rébellion? C'est parce qu'ils avaient peur des crimes contre l'humanité, comme cela avait été le cas à Goma. C'est pourquoi ils ont eu peur, ils ont fui avec leurs armes. Alors, arrivés sur le sol burundais, ils ont été désarmés. Et aujourd'hui, on est en train d'arranger leur hébergement. Alors, ce qui est en train de se faire, ce sont des choses qui sont à court terme. Mais comme le Burundi fait partie des 14 pays qui sont membres de la conférence internationale des pays des Grands Lacs, il y a un protocole relatif à ce chapitre sur les réfugiés, sur toutes les raisons profondes qui font que nous avons un cycle de violence pratiquement depuis l'indépendance. Pourquoi? Alors que en réalité, nous sommes les mêmes au niveau social. Ces frontières que le colonisateur a laissées ne correspondent pas aux frontières sociales. C'est pourquoi, pour prévenir ce genre de situation, il faut essayer d'aller approfondir. Et un seul pays ne peut pas le faire seul. Il doit être ensemble avec d'autres voisins, parce que nous sommes le même peuple. Nous avons, même quand tu vas écouter dans les langues que nous utilisons chaque jour, mm-hmm. nos langues sont, ont la même racine. Nous sommes donc les mêmes. Alors, pour qu'on puisse chaque fois enregistrer des guerres très, très violentes, de haute intensité, entre des frères et des sœurs, cela nous touche. Donc, il faut aller en profondeur et voir, prévenir son genre de crise, son genre de guerre, pour que il n'y ait plus des génocides que nous avons connus dans notre région, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité que nous avons connus dans nos passés, mais qui sont en train de se faire même maintenant, et qui touchent des gens qui ne sont pas en train de participer dans les hostilités. Mmh. Oui, et cela, j'écoutais dernièrement l'intervention de Madame Bintou Keïta, qui dirige la MONUSCO. Elle déplorait que les gens qui ne sont pas, que les gens, les femmes, les hommes, les enfants, qui ne sont pas en train de participer dans les hostilités, et qui, ce sont eux qui étaient les premières victimes. Mmh. Les premiers. Et cela est vraiment à déplorer au niveau humanitaire, c'est à déplorer. C'est pourquoi il faut trouver une réponse, je dirais, à court terme, mais également à long terme, pour mettre fin à ce cycle de violence. Merci beaucoup. On va y revenir vers la fin de l'émission avec vos appels et propositions. Nous sommes également avec Maître Viateur Ndelichi Maye, expert en droit de l'homme, droit de réfugié. Vous avez entendu la déclaration du gouvernement qui dit prêt à accueillir les réfugiés congolais. Bien, merci beaucoup de la parole donnée. Et d'abord, moi, je salue l'État d'avoir accueilli d'abord les réfugiés. Et cela montre qu'ils ont quand même respecté la Convention de Genève de 1951, ainsi que la loi de 2008 qui parle de quoi ? De l'asile et de la protection de quoi ? Des réfugiés au Burundi. Sur ce, nous invitons au Burundi ou à la population burundaise de faire comme aussi l'État l'a fait pour accueillir les Congolais. Et rappelez-vous que nous aussi, nous avons été accueillis par les Congolais dans les années 1993, même un peu avant, comme nous avons été aussi accueillis par les Rwandais dans les années 1972, par exemple. Mm-hmm. Donc, nous invitons aussi donc, la population burundaise de faire comme l'État aussi l'a fait. Je vous remercie. On a entendu les Congolais se lamenter, « Oh, on nous amène dans des cas de réfugiés, nous allons souffrir », alors qu'ils avaient l'intention de rester à Bujumbura, la capitale. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Les Congolais, ce sont des gens qui aiment les villes. Je m'excuse. Les Congolais, ce sont des gens qui aiment les villes, qui aiment les cités. Sur ce, la loi ne prévoit aucun article qui parlait de quoi ? Des logements ou des hébergements dans des quartiers. Ah, tout simplement, la loi accepte d'accueillir les réfugiés d'une façon générale. Dans ce cas, si l'État a accueilli donc les réfugiés, c'est le même qu'il va avoir en collaboration avec le HCL, avec les autres organismes donc internationaux, régionaux ou nationaux. Ils peuvent donc, comme aider donc l'État l'a fait, voir des sites comme des camps de réfugiés à y mettre. Sinon, question de quoi, des cités, d'aller dans les centres urbains, là vraiment, d'après donc mes recherches, je n'ai pas encore donc trouvé là où on précise que l'État doit à chercher les lieux dans les centres zilibés où abriter donc les réfugiés. Je me rappelle aussi, moi j'ai été réfugié donc ici à Kamanyola. Bon, il y avait des réfugiés qui n'entraient pas dans les cas des réfugiés par exemple. Donc ils étaient donc dans les cités, donc il n'y avait pas donc de problème. Mm-hmm. Alors, il n'y a pas de problème. C'est à quelques mètres d'où vivre. Effectivement, là aussi il faut faire beaucoup d'attention. Donc le réfugié doit être éloigné. Avec la loi ou bien avec les conventions, affirme que donc il faut donc voir comment fait une distanciation de quoi entre le pays de provenance, oui, et le pays d'asile, au moins 100 ou 150 km comme l'honorable a déjà signé. Mm. Donc, alors, il faut éviter que les réfugiés donc, restent tout près du pays d'origine. Donc, le gouvernement peut apprécier d'un moment à l'autre. Quand les Congolais ont commencé à venir il y a 2 semaines, il y avait déjà une rancune au sein de la population de Bujumbura. Ils disaient, oh, ils viennent rafler toutes les maisons. Il y a ceux à qui les bailleurs ont dit, partez, moi je vais héberger maintenant le Congolais qui a des moyens. Pourquoi cette rancune de la population burundaise? Ce n'est pas une rancune, c'est une question d'offre et de la demande. Quand vous voyez quelqu'un qui vous donne 100 dollars, mm-hmm. alors que L'ancien locataire donnait 100 000 francs. Vous comprenez? Le choix est très clair. Surtout que, lui, les Burundais ont besoin quand même un peu de moyens. On le voit. Mais avant d'en arriver là, il a dit quand même quelque chose de très important, le président de l'UPRONA. Il a dit que bon, c'est bon de faire cette déclaration, que le gouvernement fasse cette déclaration, que le gouvernement soit prêt à accueillir ce flux de réfugiés. Mais il a ajouté qu'il faut le faire dans le respect des conventions internationales, dont le droit international humanitaire que Mutabazi a cité. Mais il a quand même souligné qu'il faut prendre des précautions pour que ce qui se passe là en RDC ne s'étende pas ici. Ça, c'est très important, ça, c'est fondamental. Et c'est pour cette raison que dans ce processus d'accueil, il faudra quand même que le gouvernement fasse attention parce que le risque est grand qu'il y ait des infiltrations, le risque est grand qu'il y ait des espions, et surtout qu'il y a quand même une sorte de malaise entre nos deux gouvernements, le gouvernement du Burundi et le gouvernement rwandais par rapport à cette crise, ou par rapport aux situations antérieures. Il faudra que dans cet accueil, dans cette installation de ces réfugiés, on soit quand même rigoureux pour éviter quand même que nous aussi nous soyons obligés d'entrer en crise. Hein. Nous sommes déjà en crise économique, sociale et économique. Il ne faut pas en ajouter un autre type de crise. Ça serait très très très grave pour nous. Donc, je ne suis pas contre l'accueil, mais dans le strict respect de ce qu'il a dit. Sinon, votre question a déjà eu une réponse. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Celui qui a sa maison, s'il trouve mieux comme location, il prend ça. Là, il n'y a pas manque de solidarité. Tout à l'heure, le maître a dit qu'il s'est réfugié en RDC, il était bien accueilli. Et bien accueilli comment? Moi, j'ai été réfugié au Rwanda. Moi, j'étais au Congo. Moi, j'étais au Congo. J'ai été réfugié au Rwanda. Je suis le réfugié en Tanzanie. Je suis ce qui se passe dans certains camps de la Tanzanie. Dire que vous avez été bien accueilli, c'est relatif. On vous accueille comme un réfugié. Ça veut dire que vous avez perdu un certain nombre de droits. Apatride. Sans patrie. C'est clair. Oui. Donc, on était sur la liste des apatrides donc, en Belgique. La solidarité, oui. Mais vous ne pouvez pas quand même exiger d'avoir les mêmes droits. Quand vous êtes réfugié, vous ne pouvez quand même exiger que vous ayez les mêmes droits que les Burundais. Ça ne marchera pas. Être réfugié, ça veut dire c'est temporaire. Ça veut dire qu'il faut vous mettre en tête que vous devez impérativement et obligatoirement retourner chez vous, chez soi. Obligatoirement et impérativement. Si la guerre ne se termine pas... La guerre doit se terminer. Comment? La guerre. La guerre devra se terminer un jour. Même dans les pays dits développés, ça s'est passé comme ça. Avant le développement. Oui. Avant le développement. Donc, nous aussi, nous devons viser. Ça doit être un objectif cardinal. Les réfugiés doivent retourner chez eux. Nous avons des réfugiés burundais, nous devons nous préparer à ce que ces réfugiés reviennent dans ce pays. Les Congolais ont des réfugiés, ils doivent se préparer. Les Rwandais ont des réfugiés, ils doivent se préparer. Sinon, nous resterons éternellement en guerre. Oui. Ça veut dire que nous allons continuer à détruire tout ce que nous avons bâti, hein, à ruiner nos économies, à ruiner les écoles, les hôpitaux, à mener une vie... indécente. Olivier Ngurunziza, tout à l'heure, vous avez réagi par rapport à ce que le gouvernement a promis de prendre en charge, de caser ces réfugiés et donner assistance. Mais juste à l'arrivée des réfugiés congolais, on a constaté que les Burundais, certains Burundais, ils étaient contre ces Congolais qui voulaient s'installer dans la capitale. N'est-ce pas un sentiment de rejet? D'abord, tenant compte de ce que j'ai soulevé comme convention que le Burundi a signée de Genève, les réfugiés ne doivent pas rester près de la frontière du pays d'origine. Mais peut-être est-ce que vous êtes en train de soulever que les gens de la capitale, Bujumbura, avaient peur de la hausse, effectivement, de la location des maisons. Bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui, même dans les différentes réunions qu'on a tenues avec le ministre de l'Intérieur, il y avait ces lamentations que les maisons commencent à monter. Aujourd'hui, alors, il ne faut pas profiter pour hausser les prix suite qu'il y a un Congolais qui arrive. Si même il y a loi d'offre et de la demande, il faut que ça respecte le terme du contrat. Il ne faut pas chasser une personne parce qu'il va te donner $100 alors que tu avais le contrat de 100 000. Et ça, c'est des spéculations. Alors, il faut, ça peut perturber effectivement la vie de la population burundaise. Là, il faut que le gouvernement s'implique pour protéger aussi les Burundais. Deuxième chose, il faut que ces réfugiés soient à 150 km, comme le ministre l'a informé. Je ne sais pas, effectivement, l'expert va nous expliquer qu'il peut y avoir des réfugiés urbains. Oui, il y a des personnes qui refuse et dit nous ne pouvons pas aller dans le camp de réfugiés, nous sommes capables de se prendre en charge. Et le gouvernement apprécie. Ils apprécient, mais ce n'est pas un nombre de 35 000, ça serait impossible. Peut-être que c'est quelques personnes qu'on peut identifier. Cela aussi, c'est possible. Il y a des hommes qui viennent ici avec... Ça ne serait pas une discrimination, ça? Non. Parce que si... Par exemple, si le gouverneur de Bukavu fouille à Bujumbura, il n'ira pas à Chichemere. Non, peut-être. Je ne sais pas comment on va le faire, mais il faut chaque fois respecter les conventions de ce qui se fait ailleurs, et sans toutefois y mettre de la discrimination, et surtout protéger la population burundaise, comme nous l'avons déjà souligné. On parle de la protection de la population burundaise, on parle aussi de la protection du réfugié à 150 km. N'est-ce pas une discrimination? Quand tu retournes dans la loi, que ce soit dans la convention de Genève sur les réfugiés, qui a été signée en 1951, il y a une question, un aspect de sécurité. Premièrement, il faut sécuriser le pays d'origine. Il faut le sécuriser. C'est pourquoi on recommande d'éloigner le réfugié. Parce qu'il aura toujours tendance de vouloir se battre pour retourner. Dans ce cas, il t'utilise comme base arrière. Alors qu'il est supposé avoir seulement l'asile. Ça ne marche pas. Alors, donc, pour revenir sur les aspects un peu de xénophobie envers les réfugiés, cela n'existe pas seulement ici. Vous avez déjà même entendu les derniers décrets, les derniers discours du président américain. Il dit qu'il faut que les gens retournent chez eux. Il y a même les irréguliers. Les irréguliers. Or, quand tu arrives dans un pays et que tu es exilé, en fait, tu es un apatride. On t'enlève ton passeport. On t'enlève ton passeport, puis on te donne une autre carte d'identification comme réfugié. Alors, et c'est très frustrant. Moi, j'ai déjà été réfugié. La deuxième chose, pour ce qui est de la qualité d'accueil, non seulement ça dépend des revenus du réfugié, mais ça dépend aussi du statut du réfugié. Par exemple, nous avons des Burundais qui sont réfugiés à Mahama. Mais tous les Burundais ne sont pas à Mahama. Il y en a qui sont à Kigali et qui exercent leur profession tout en étant réfugiés. Moi, j'ai été réfugié en Belgique. Je sais que le gouvernement belge m'a donné un appartement nouveau, clé en main. Vous savez que nous avons même beaucoup de réfugiés au Canada, par exemple. Mais quand ils n'ont pas encore des papiers, ils ne peuvent pas venir au Burundi. Et quand pour rencontrer une parenté, ils se rencontrent en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, etc. Donc tout cela est une forme de réglementation. Donc, quand tu as entendu certains Burundais commencer à maugréer, ah, c'est Congolais qui viennent ici, il ne faut pas qu'ils arrivent en ville. Moi, je pense que tout simplement, c'est un sentiment de xénophobie. Il y a des gens qui n'aiment pas les étrangers. En France, il y en a, en Belgique, il y en a, aux États-Unis, il y en a. On dit, ah, ces immigrés, ces étrangers, il faut qu'ils retournent. Ce sont des sentiments, mais ces sentiments, ce sont des sentiments qui ne sont pas humains. À la situation que tu étais en train de poser, nous devons envisager ensemble des solutions. Premièrement, les solutions pour notre sécurité, d'abord, comme pays d'accueil. Deuxièmement, nous devons prendre des précautions pour que les conflits politico-ethniques qui sont à RDC. Parce que ici, nous avons des Congolais qui étaient déjà ici, parmi les Congolais qui affluent ici. Il y en a des communautés. Il y a les Banyamulenge qui sont installés. Il ne faut pas alors que ce conflit là-bas soit importé ici. Donc nous devons prendre des précautions pour toutes les facettes que ce problème comporte. Et cela, comme je vous l'ai dit, dans les plans d'action que nous avons au niveau du comité de l'Observatoire national, au niveau du comité, nous sommes en train de donner des propositions à court terme, mais aussi à long terme, qui vont impliquer les pays membres de la CI, de la CIRGL. Mm-hmm. Comme je vous ai dit, il y a plus de 12 pays. Et pour revenir, comme je vous disais, en fait, ce sont des conflits fratricides. Qui datent de longtemps. Ouais. Mais ce qui est visible aujourd'hui quand tu regardes, pourquoi est-ce que ces pays impliquent énormément les Occidentaux? Mm-hmm. C'est à cause des richesses. Donc c'est une guerre purement d'abord ethnique, mais où les conflits identitaires que nous avons, parce que c'est un terrain facile à utiliser. Mais sinon, tout le monde le voit et le constate que, par exemple, il y a du deux poids, deux mesures. Le réflexe des Occidentaux envers les Ukrainiens, ce n'est pas le réflexe des Occidentaux envers les Congolais. Le réflexe des Occidentaux envers la Russie, ce n'est pas la même lecture de la loi envers Kigali. Donc, on voit que tout cela dit quoi, résume quoi? Que c'est une guerre purement économique. Et pour cela... Et international. C'est pourquoi c'est international. C'est pourquoi c'est vraiment international. Et qui paye tout ça? Qui paye par le sang? C'est nous. C'est nous les Africains. Les Africains sont eux qui sont en train de payer de leur sang. À la limite, les Occidentaux, ils donnent les armes. Mais ceux qui versent le sang, ceux qui meurent, les premières victimes de ces crimes de guerre, c'est nous. C'est pourquoi nous devons, si nous mettons en avant l'intérêt général entre frères, nous pouvons nous asseoir comme nous sommes ici sur cette table et échanger. Il ne peut vraiment pas y avoir un problème qui ne peut pas trouver une solution par la voie diplomatique, par la voie du dialogue, par la voie politique. Non, il ne peut pas y en avoir. Maître Viateur, on a observé il y a 2 semaines une pression sur le loyer suite à l'afflux de Congolais aisés et qui ont pris l'assaut hôtels et maisons de résidence, ce qui fait exploser la loi de l'offre et de la demande. Comment stabiliser les choses à ce niveau pour empêcher des manipulations? Effectivement, comme l'honorable l'a déjà signalé, il faut que donc l'État au moins prenne quelques mesures, certaines mesures pour stabiliser les prix qui montent du jour au jour. Non seulement au niveau de la location, mais aussi au niveau de quoi? De denrées alimentaires. Mm-hmm. Ah oui. Si je regagne l'idée de la cause de cette guerre, il y a une idée qui m'est venue dans la tête. Aujourd'hui, il y a 20 ans, nous avons des réfugiés congolais Banyamulenge, qui sont dans le cas des réfugiés ici au Burundi, notamment donc à Moussassa, à Nyanganda, à Bagiriza, à Kavumu, à Kasogwe, tout consort. Aujourd'hui, l'État est en train de préparer un site pour accueillir ou héberger ou abriter d'autres réfugiés congolais qui ne sont pas les Banyamulenge. En fait, une idée qui me vient en tête est que, si l'on veut, la guerre peut se résoudre d'un moment à l'autre. Que ce soit les Banyamulenge, soi-disant, et la population, je dirais donc congolaise, qui ne sont pas Banyamulenge, se rencontrent au Burundi. S'il n'y a pas le moyen de s'asseoir l'État ensemble pour résoudre le problème. Mais heureusement, nos collègues l'ont déjà signalé que cette guerre qui se trouve donc au Congo a des dimensions, je dirais, économiques, mais de la dimension aussi, je dirais, internationale. Sinon, si c'était la question ou bien des conflits entre les deux parties, finalement, donc, on aurait donc une solution donc immédiate, puisque les deux parties qui sont en conflit donc, se trouvent ensemble, sont déjà réfugiés donc, ici donc, au Burundi. Voilà donc une idée donc, qui me vient donc, en tête. Mm-hmm. Si nos questions des conséquences économiques ici au Burundi, pour cela, c'est tout à fait normal. S'il y a des gens, la demande des gens qui arrivent d'une façon, je dirais, spontanée, sur les marques, donc les prix doivent monter des locations. Mmh. Donc c'est au gouvernement, même s'il est difficile, de trouver, de voir comment régler, notamment l'administration locale, et de voir comment régler la situation pour trouver au moins la solution, surtout aux gens qui étaient déjà ici au Burundi, notamment ici en ville de Bujumbura. Je vous remercie. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. je rappelle à vous qui venez de nous capter en cours de route que vous suivez l'émission Mosaïque, se focalisant sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et à l'accueil des Congolais qui fuient vers le Burundi. Nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Les plus de 30 000 réfugiés récemment arrivés sur le sol burundais s'ajoutent à plus de 86 000 réfugiés congolais de longue date. La question est en train de devenir pérenne. Quelles sont les conséquences potentielles sur les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et ses pays voisins si la guerre continue, si la guerre persiste? Merci beaucoup de me donner encore une fois la parole. Je viens de suivre un peu le développement sur la régulation des prix de location. Il y en a qui proposent que le gouvernement prenne des mesures. Quelles mesures? La montée de ces prix sur les denrées alimentaires, sur les médicaments, ne dépend pas de ces réfugiés-là. C'est une question structurelle qui est ici. Ça peut aggraver la situation. Je dis que sur cette question, il faut y aller prudemment. Dans un pays pauvre, empêcher aux gens de faire de la spéculation, comme vous avez appelé la spéculation, il faut prendre des mesures énergiques pour augmenter la production. Ça, ce ne sont pas des mesures qu'on peut prendre aujourd'hui. On peut prendre des demi-mesures, des demi-solutions pour calmer la situation. Mais dire que le gouvernement peut aller aujourd'hui jusqu'à prendre des mesures pour réguler ces histoires de prix, c'est vraiment, je doute fort. Mais le président l'a promis le 27 décembre de l'année passée. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Que le ministère... Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Je ne bois plus de la bière, mais je vois déjà qui boivent de la bière. L'Amster aujourd'hui peut aller jusqu'à 6 000 francs. À 6 000 francs. Il les gens achètent. Y compris même les responsables administratifs, même des policiers. Ça, c'est une autre histoire. C'est pas la question que vous dites. Revenons à nos moutons. Alors, oui. Vous dites que le gouvernement, pouvez me rappeler. Quelles sont les conséquences potentielles? Oui. Alors, vous m'avez parlé de conséquences diplomatiques, je m'en souviens alors. C'est très clair si la guerre continue. Si cette guerre en RDC continue, j'ai souligné tantôt qu'elle risque d'être une guerre régionale. Il y a déjà des signaux. Oui, entendre les discours de nos chefs d'État. Oui, il y a déjà des signaux. Et l'implication aussi. Les pays de la SEDEC s'impliquent. La CIAC, je pense, elle s'est retirée. L'EAC, oui. Elle s'est retirée. Il y a des pays de la CIAC, j'ai compris que le Tchad veut un peu entrer dedans. Donc, première conséquence diplomatique, c'est qu'il risque d'y avoir des guerres partout dans ces pays de la région. Donc, la meilleure solution, c'est de concentrer sur cette question qui servait d'alibi. Par quelle voie? Par la voie de... Bon, les gens n'aiment pas qu'on parle de négociation. Hein? Du dialogue. Du dialogue. Du dialogue politique. Il faut que, d'abord, les concernés au premier plan, les Congolais, dialoguent. Ensuite, je vois, quand j'écoute le président de la RDC, il insinue aussi de négocier avec le Rwanda. Il estime que le Rwanda soutiendrait le M23. Mais j'ai écouté le président rwandais en certain moment sur une radio. Il a dit que le M23, en attaquant pour la deuxième fois, n'est pas venu du Rwanda, qui serait venu de l'Ouganda. Vous comprenez tout ça? C'est toutes ces implications. Il y en a qui pensent que le Burundi est là, non pas pour des raisons humanitaires, mais pour soutenir... Bon, on dit même, on parle de Hutu. Il faut qu'on dise les choses comme on le dit. Pour soutenir les Wazalendo et les FARDC. C'est ce qu'on dit. Il y en a même qui poussent loin, qui vont même jusqu'à mentir que les FARDC, les Wazalendo, l'armée burundaise, les FDLR se battent ensemble. Vous comprenez ? Contre le M23, disons comme ça. Vous comprenez que les conséquences potentielles sont énormes. Mm-hmm. Hein? Si la guerre continue, ça va impliquer tout ça, ça va être permanent comme, je ne sais pas si c'est Mutabazi qui l'a dit, ça va devenir une guerre qui n'a pas de forme. Mm-hmm. Hein? Une guerre atroce. Donc il faut... Dans tous les sens. Et vous parlez de réfugiés congolais au Burundi. Il y aura des réfugiés congolais, il y aura des réfugiés burundais, il y aura des réfugiés tanzaniens, il y aura des réfugiés ougandais. Mais ça sera très compliqué. Et nous risquons de revenir, hein, on parle ici des effets, des conséquences de la colonisation. Nous risquons de nous-mêmes nous retourner dans le contexte de la colonisation. Nous allons nous faire recoloniser nous-mêmes. Des Africains, je parle des Africains. Je ne parle pas uniquement des Burundais, des Rwandais. Mais nous risquons parce que ces grandes puissances qui utilisent ces matières premières, qu'on puisse en RDC, même ailleurs. La région est pleine de minerais. Ces grandes puissances vont amener les armes qu'ils ont fabriquées à partir de minerais. Les minerais qu'ils posent ici, ils vont les amener, les braquer sur nous, et ils vont nous chasser ici. Donc, selon vous, il faut un dialogue impérativement et obligatoirement que ces communautés, il y a beaucoup de communautés, il y a la CIAC, la guerre ça se passe en CIAC, hein? Mm-hmm. Dans beaucoup de pays de la CIAC, mm-hmm. Il y a les IAC, il y a la SADC, il y a aussi l'Union africaine au-delà. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut s'organiser pour arrêter cette guerre? Alors qu'on voit le danger que l'Afrique soit encore une fois recolonisée, mm-hmm. Hein? Il faut obligatoirement que cette guerre s'arrête. Il faut que cette guerre s'arrête. Il ne faut pas penser à la communauté internationale. Cette communauté internationale, elle a des responsabilités dedans. Hein? Hein? Et continue à attiser le feu. Vous comprenez? Ils ont, malignement, ils continuent à attiser le feu. Ils prennent des déclarations, hein, inapplicables. Ils vont faire une déclaration au pôle. Mais jamais ils ne déclarent que, hein, ils vont faire ça, hein, concrètement. Hein? Donc, il faut qu'il y ait un dialogue au niveau. Ceux qui veulent aider à éviter cette guerre régionale, il faut que les trois pays concernés d'abord soient conscients. Mm-hmm. La RDC, le Rwanda, le Burundi. Ils, mm-hmm, constituent même une communauté, je l'avais oublié. Mm-hmm. Donc, qui n'existe presque plus. Mais il faut que ces pays-là soient conscients qu'ils ont quand même des responsabilités à gérer ces nations. Mm-hmm. Hein? Des à réconcilier le peuple. Mmh. Hein? Si on veut éviter que le colon ne s'y ingère plus, il faut être conséquent, savoir que nous sommes souverains et indépendants. Mmh. Hein? Mmh. Quand nous sommes souverains et indépendants, ça veut dire que nous avons acquis la capacité de gérer nos problèmes, mmh, et de protéger nos nations, mmh, protéger nos citoyens, mmh, nos populations. Mmh. Alors, il ne faut pas continuer à entretenir la guerre comme ça. Hein? Quand j'écoute les informations qui circulent, le risque est encore. Il y a un risque aussi que le Rwanda et le Burundi s'entrent dedans. Il y a un risque. Non, peut-être qu'on ne va pas. Ça veut dire que cette question de la RDC, qui a réellement des dimensions et économiques, risque de se transformer, hein, en une guerre ethnique, tout au moins entre le Burundi, la RDC et le Rwanda. Ça risque de se transformer en cela. Nous allons nous entretuer. Celui qui organise ça va continuer à nous regarder. Il va nous assister. Vous savez, quand des coqs, hein, se battent, hein, ils se battent jusqu'à ce qu'ils meurent. Et on ramasse ça en mettant dans la casserole. On mange avec la pâte. Donc, nous risquons aussi d'être comme ça si on ne fait pas attention. C'est là où j'ai dit, où je reviens sur cette question de prévention. Cette question de prévention est une question fondamentale, d'abord pour le Burundi. Il y a un aspect qu'on a évoqué, je n'y pensais pas, mais c'est un danger. Et c'est Mutabazi qui a commencé à évoquer cette question. Il y a les Banyamulenge de Danta qui sont là. Oui, de longue date. Qui se surnomment Tutsi, n'est-ce pas? qui s'est donné Mututsi. Il y a les autres qui viennent, qui s'est donné Mututsi. Oui, les Wazalondo, on les a vus. Alors, il faudra les uns les mettre au nord, les autres aussi. Il faut installer les cas, certains cas au nord, d'autres aussi. Sinon, il risque de s'entrer dedans et ça va nous créer des problèmes. Merci beaucoup. Ce sont d'autres risques aussi. C'est un grand risque aussi. Oui, c'est un grand risque. Merci beaucoup, honorable Olivier Ngurunziza. On voit déjà que cette question, si elle perdure, la question de guerre, il peut y avoir des incidents, des conséquences potentielles sur les relations diplomatiques entre les pays. Les trois pays, le Burundi, la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette guerre s'arrête? Les conséquences sont déjà là. On ne peut pas dire qu'on risque d'avoir des conséquences potentielles. Le Burundi est au Congo, les Rwandais sont au Congo. Aujourd'hui, les Congolais sont ici et d'autres sont non, là. Je suis en train de dire l'armée officielle qui sont là. L'armée burundaise est là. Rwandais au Congo, les Rwandais, les Congolais, vous avez dit qu'il y a même les militaires qui ont fui avec les armes. Ce sont les Burundais et les Rwandais qui vont se battre là-bas, alors que les Congolais se sont réfugiés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je vois effectivement, comme l'honorable Léonce vient de le dire, il faut qu'il y ait toujours dialogue entre les pays. Il faut que ces voies diplomatiques, dynamique et responsable soit là. Parce que même si vous avez souci que les Banyamulenge qui sont ici, qui peuvent s'entrer dedans. Les problèmes, ce ne sont pas ces petits peuples qui sont là, qui se sont réfugiés. Mais ils sont manipulés. Ce sont ces grands, ces responsables qui se battent en utilisant la population à la base, qui doivent quand même se mettre ensemble et négocier. Parce que la paix n'a pas de prix. Bien sûr, tu peux utiliser l'arme à un certain moment, mais vous pouvez voir que les conséquences sont néfastes. Au niveau, comme on l'a évoqué, au niveau de l'EAC, au niveau de la SADC, au niveau de CAC, au niveau de l'Union africaine, il faut qu'effectivement, toutes les mesures qui ont été prises, et des mécanismes qui sont là, que ça ne soit pas seulement des lettres mortes. Parce que nous voyons, par exemple, quand on a tenu une réunion à Dar es Salaam, quand on disait que dans 15 jours, dans 5 jours, il y aura rencontre des chefs d'État-major. Est-ce que cela a eu lieu? C'est-à-dire que là, on a négocié seulement sans qu'il y ait effectivement des mécanismes de suivi pour arrêter cela. Alors, les conséquences, c'est, comme on l'a dit, la guerre qui est là, c'est la guerre d'intérêt économique. Avoir la géopolitique, mais aussi la géostratégie, le Congo, depuis longtemps, à cause des problèmes. Les grandes puissances ont besoin de la matière première. Quand ils se battent là, il y a même les guerres par procuration qui sont là. Alors on peut voir que les M23, les Burundais, les Rwandais, mais il y a la guerre par procuration. C'est à travers la guerre, c'est à travers ces conflits qu'on peut acheter à bas prix toutes ces matières premières. Alors est-ce qu'ils ont intérêt qu'il y ait la paix? C'est la raison pour laquelle pour moi, je dis que la communauté internationale représente tout le monde et personne. Représente tout le monde au moment où on se met ensemble pour résoudre tous ces problèmes. Mais à un certain moment, peut ne pas représenter tout le monde quand le pays en conflit, surtout ceux qui sont concernés par la crise, ne se mettent pas ensemble d'abord pour discuter afin que la communauté internationale les emboîte le pas pour les aider. Alors c'est les Congolais qui doivent se mettre ensemble. D'abord pour négocier et prendre la conscience de savoir que tous qui sont en train de perdre la vie sont des Congolais, mais aussi de la sous-région. Voilà. Merci beaucoup, Jean Doudieu Moutabadi. Pour que la guerre cesse en RDC, qu'est-ce qu'il faut? Il y a un grand risque. Il y a des conséquences potentielles sur les relations diplomatiques entre les pays. Bon, bien sûr, les conséquences sont énormes parce que les enjeux sont énormes aussi. premièrement les enjeux, les enjeux au niveau des richesses minières. Vous aurez remarqué que tout le temps, la région qui comporte beaucoup, qui est riche en minéraux, notamment il y a la, une région qu'on appelle Mabanda, c'est là où on a beaucoup plus de coltan, c'est là où ils se battent. Mm-hmm. Et c'est là où c'est presque tout, même l'Occident veut intervenir pour s'assurer que cette région sera contrôlée par le 23. Ils veulent venir, ils disent non, Bukavu, il faut quitter, mais jusqu'à la ligne là où. Donc ça veut dire il y a la facette richesse. Mmh. Ça c'est terrible et ça a déjà entraîné beaucoup de morts. Mmh. Et même si cette guerre ici vient de faire presque 3 décennies, tu crois que c'est pourquoi? Si c'était des questions purement sociales, purement identitaires, ça aurait déjà été résolu. Mais, tout à fait. Mais parce qu'il y a de la richesse, c'est un problème. Et cela, alors, nous devons nous entendre que notre leadership au niveau africain, notre leadership au plus haut sommet, doivent demander aux Occidentaux d'arrêter cet interventionnisme à cause des richesses. Deuxièmement, vous savez très bien qu'un pays comme la France, qui était très présent dans les 3 pays du Sahel, comme le Mali, le Burkina, etc., le Niger, ils leur ont demandé diplomatiquement de dégager, de partir, parce que pour leur richesse, ils en ont souffert. Même le Mali allait être coupé en deux, parce qu'il y avait l'interventionnisme européen, particulièrement français. Alors maintenant que les Français ne sont plus là, ils veulent avoir leur présence ici. Et même, il y en a qui disent, nous préférons aller à une RDC au lieu d'envoyer des Français au sol en Ukraine. Mm-hmm. Pourquoi cet amour? Non, monsieur le journaliste, pourquoi cet amour? C'est pourquoi donc, normalement, ils devraient d'abord aller en Ukraine avant de venir. Mais ils disent, non, il faut aller dans la partie. Nous, les Africains, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette guerre? Nous, les Africains, nous avons plusieurs instances où nous pouvons dialoguer entre nous. Mm-hmm. Premièrement, prendre conscience que les frontières n'ont été tracées que par le colonisateur. Deuxièmement, prendre conscience que nous venons de faire plus de 60 ans sans développer nos pays. Alors que toutes nos matières, toutes nos matières premières sont exportées. J'ai failli donner raison à Trump qui a dit, vous les Africains, retournez chez vous, il faut en vouloir. Mais pas à nous qui vous chassons, mais en vouloir à votre à vos leaders qui ne parviennent pas à développer vos pays et qui même, au lieu de construire de très bons hôpitaux efficaces, ils préfèrent d'aller se faire soigner en Suisse, alors que nos pays sont riches. Donc il faut le leadership au niveau africain, au niveau régional, sous-régional et dans nos pays, il faut que ce soit un leadership nationaliste et panafricaniste. Mmh. C'est ça. C'est parce que si nous ratons la qualité du leadership, nous perdons tout. Mmh. Merci beaucoup pour cet appel. Maître Viateur, un dernier mot. Qu'est-ce qui doit être fait pour finir avec cette guerre interminable en RDC qui cause, qui a des conséquences sur nos nations, le Burundi et le Rwanda? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, encore une fois, une idée qui me revient. Une deuxième idée. Le micro vient d'affirmer que et la cause majeure qui est donc qui cause donc la guerre au Congo, c'est une dimension économique. Ce sont ces minéraux, ce sont ces or qui se trouvent au Congo. Est-ce que c'est au Burundi? Il n'y a pas de minéraux à Moussonga. Il n'y a pas de minéraux à Moussongati. Est-ce qu'à Mabaï, il n'y a pas de minéraux? Est-ce que là, à Muyinga, à Kamara Bagambo, il n'y a pas de minéraux? Mais pas de la même quantité qu'au Congo. Même s'il n'y a pas de la même quantité, mais ce sont des minéraux quand même. Ce sont des minéraux, mais... Activement. Pour dire que nous aussi, nous risquons d'être attaqués suite à ces minéraux que nous possédons ici au Burundi. Oui. C'est pourquoi... Alors, il faut c'est possible comme... aussi. Oui, c'est fort possible. Alors, pour résoudre la question, je dirais, qui hante donc notre... donc, la, cette région, je dirais, donc, notamment la région de Galak. Et moi, je dirais que, comme l'honorable Soudan a déjà signalé... C'est pas Sougourou, c'est... Nkurunziza, c'est Olivier Nkurunziza. Voilà, merci beaucoup. Il faut que donc les chefs de ces États-ci, le Burundi, le Rwanda, le Congo, se mettent ensemble pour trouver la solution. Pourquoi? Quant à moi, d'abord, ils partagent quoi? Presque la même écriture. Ils ont suivi au même moment la sous-colonisation de l'Allemagne et la Belgique. Ils ont même eu, presque dans les mêmes dates, les indépendances. À quoi bon de ne pas s'asseoir ensemble pour trouver la solution pour cesser ces guerres qui nettoient, je dirais, donc, la population, que ce soit burundaise, que ce soit rwandaise, que ce soit aussi congolaise, comme nous l'avons déjà vu dans les années antérieures. Merci beaucoup. C'est sur ces appels et appréciations que nous bouclons ce débat. Je remercie les invités qui ont pris part à cette émission. Honorable Léon Senginakoumana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci beaucoup. Je remercie aussi mes collègues qui m'ont enrichi par certaines informations, mais aussi nos auditeurs qui vont nous enrichir aussi. Mais Mutabaza parlait de demander, mais il faut refuser l'interventionnisme de ces colons, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Nos leaders doivent refuser la demande, absolument. Merci beaucoup, honorable Olivier Nkurunziza. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Merci beaucoup. Je promets que pour la fois prochaine, quand vous m'inviterez, je répondrai présent. Merci beaucoup. J'étais avec Jean de Dieu Mutabazi, président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Vous étiez aussi le président AI de l'Observatoire régional. Merci d'être venu dans Mosaïque. Merci aussi. J'étais également avec Viateur Delichimba, maître et expert en droit de l'homme et des réfugiés. Merci à vous aussi d'avoir répondu présent à notre invitation. Ok, merci beaucoup d'avoir m'invité à cette émission, tout en vous promettant qu'une fois m'invité, encore une fois, je vais revenir. Merci beaucoup pour cette promesse. À la cabine du son, j'étais avec Eric Wimana et Alexandre Ngaruvenayo à la réalisation de ce débat. J'étais avec Medar Nyunguru à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikobananga. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque.